À Solange du Devant, Nohant, 18 juillet 1841. Ma chère Grosse, je te félicite des bonnes résolutions que tu as prises, et je t'en remercie, car le bien que tu te fais à toi-même me fait du bien aussi, par l'amour que je te porte, et le besoin que j'ai de ton bonheur. Tu comprends toi-même que tu agis contre tes intérêts en te révoltant. Quand ton cœur et ta raison seront plus développés, tu comprendras que tu as des devoirs envers les autres aussi bien qu'envers toi-même. Et enfin, quand tu seras tout à fait sage et tout à fait bonne, tu comprendras ce que tu dois à Dieu. Certainement, si tu continues à être sage, tu viendras à Nohant le plus tôt possible, et le travail que tu y feras ne sera qu'un délassement. Voici comment nous passons nos journées, ton frère et moi, depuis 15 jours qu'il pleut à ne pas mettre le nez dehors. Nous déjeunons à 10 heures, et du déjeuner jusqu'au dîner, nous dessinons dans mon cabinet. Ton frère fait de très jolies aquarelles avec une suite et une constance que je voudrais bien te voir mettre à quelque chose, fût-ce à faire du filet. Pendant qu'il dessine, je peins des fleurs et des papillons. Je t'ai fait un panier de fleurs que tu trouveras encadré dans ta chambre. Le soir, nous nous remettons à l'ouvrage à 8 ou à 9 heures, lui à copier des gravures, et moi, je lui fais la lecture. Nous avons lu ces jours derniers Louis XIV et Louis V dans La Vallée, et nous allons commencer la Révolution. Nous verrons si, quand nous serons trois, il n'y aura pas quelqu'un qui dira « Maurice, voyons, fini, donne-moi la table, je veux la chaise, il me faut la lampe, tout cela c'est pour moi toute seule, etc. » Tu pourras faire des fleurs aussi bien et aussi mieux que moi. J'espère d'ailleurs qu'il fera un peu plus beau temps et que nous pourrons nous promener. Je ne monte pas préface pour le moment. Elle est un peu traître malgré sa douceur apparente. Elle met la tête entre ses jambes et elle rue. Elle m'a déjà jeté 2 fois par terre dans le jardin. Je ne me suis pas fait grand mal, la seconde fois surtout. Je suis tombée debout sur mes pieds. Mais comme cela pourrait finir plus sérieusement, je veux attendre pour la remonter qu'elle soit habituée à la selle et qu'on l'ait fait un peu travailler. Elle ne rue que quand on la monte en femme. Elle se conduit très sagement avec Maurice. Talus a été malade, mais elle est guérie. Chip-Chip a été malade aujourd'hui. Il a eu mal à la tête et des vomissements de bile. Il va mieux ce soir. Léontine s'est mise en tête d'apprendre le piano. Je lui ai prêté ton grand vieux piano, elle l'a fait accorder et elle prend des leçons d'un Polonais qui est à la Châtre. Elle y met beaucoup de zèle et s'en fait un grand plaisir. Elle dit qu'elle est bien fâchée de n'avoir pas commencé plus tôt et qu'elle voudrait en être au même point que toi. Tu pourras l'aider à étudier. Ton petit Pistot a été malade aussi. Il s'était fait mal à la mâchoire en rapportant de grosses pierres. Il va bien et il est toujours bien gentil. On a fait croire à cher ami qu'il savait lire et écrire et qu'il faisait les commissions. Il le croit et il le salue quand il le rencontre parce qu'on lui a dit aussi qu'il boudait quand on ne le saluait pas. Il y a un joli petit nid de chardonneret dans la guirlande de clématite qui est au coin de la maison. Il est suspendu comme dans un hamac. Et je ne conçois pas qu'il ne soit pas emporté par les coups du vent, qui ont lieu presque toutes les nuits. Bonsoir, ma grosse mine. Ton frère t'embrasse 1000 fois, et moi 10 000. Écris-nous toujours, et aime-nous bien, c'est-à-dire travaille, et conduis-toi de manière à venir nous rejoindre bientôt. Ton Chip-Chip te bise aussi bien tendrement. Papet, ton oncle, Léontine, Françoise, Luce, tout le monde te fait des amitiés.